Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Alors le premier tome du côté de chez Swann. Alors voilà, ça y est, c'est l'Everest que j'ai enfin attaqué. Mon Everest. La recherche du temps perdu. Bon, j'avais raison de penser que pour moi c'était l'Everest. C'est un double Everest. Parce que c'est un Everest. En termes de difficulté, malgré tout, c'est vraiment un livre. Je crois qu'au maximum, j'ai dû lire d'affilée, grand maximum, une dizaine de pages d'affilée. Ce qui prend un temps fou pour moi, hein, parce que je prends vraiment. Bon, j'ai pris mon temps. Je voulais essayer de profiter de chaque phrase. Et du coup, j'ai vraiment savouré. Mais lentement, très lentement. Du coup, j'ai lu ça sur 5 mois à peu près, en lisant d'autres livres, hein, à peu près 3-4 autres bouquins, je sais pas, des magazines, tout ça. Bref, de quoi toujours mélanger pour pas n'avoir que ça, bah, pour avoir quelque chose de plus simple à lire à côté, hein, bien sûr. Mais vraiment un livre sublime, sublime. Sublime vraiment à plusieurs égards. La profondeur de ce qui est dit, de ce qui est écrit. La profondeur et en même temps la futilité. Futilité parce que bon, c'est les états d'âme, hein, c'est vraiment la pensée toute subjective, enfin on est loin de la philosophie. On est tellement loin qu'on y retourne, c'est ça. C'est ça qui est merveilleux, quoi. C'est comme la phrase que j'avais entendue à propos de la philosophie de la religion. Un peu de philosophie en éloigne de la religion, et beaucoup y ramène. Et c'est un peu ça. Une extrême profondeur sur la futilité finit par redonner de la philosophie, de la psychologie, il y a tout là-dedans. Il y a de la littérature, il y a de la spiritualité, il y a de la philosophie. De la psychologie, énormément. Bien sûr, aussi un peu un regard de sociologue, hein, un petit peu, mais bon, on va dire plutôt de satire sociale. Voilà, donc c'est vraiment un monument. Alors, un monument, ça n'est que le début d'un monument, c'est ça qui est intéressant. Il m'a été dit que les autres livres. De la recherche, comme on dit, hein, quand on s'y... Bien sûr, hein, quand on est familier de l'œuvre, on ne dit plus la recherche du temps perdu, on dit la recherche. Bon, j'arrive pas encore à le dire sans me sentir complètement pédant. Donc j'évite. J'en parle assez comme ça autour de moi. J'emmerde assez les gens avec, donc je vais pas en rajouter. Donc ouais, il y a quand même 7 tomes. Et on m'a été dit qu'effectivement le premier c'est savoureux, le deuxième encore un peu, puis après que ça se... On va voir. On va voir. Pour l'instant, je suis pas convaincu moi que ce soit. J'ai l'impression que c'est la force de Proust. Si on met l'énergie nécessaire, le chef-d'œuvre est à chaque détour de phrase, quoi. Au détour de chaque phrase. Voilà. C'est vraiment ça. Ou presque. Et ça, c'est quand même. Ouais, on ressent pas ça avec beaucoup de bouquins. Si, bien sûr. Alors en ce moment, bon, je peux pas m'empêcher de voir le lien avec Céline. Hein, j'ai lu Voyage au bout de la nuit, et c'est vrai que, bon, dans le genre, c'est vraiment un autre chef-d'œuvre. Peut-être plus fort sur le plan l'impact psychologique, émotionnel. Les phrases, c'est comme des obus. Céline, c'est un obus à chaque phrase. Proust, c'est vraiment l'opposé sur la forme. Mais l'impact. Mais il subjugue. Céline détruit. Céline. Ouais, perfore tout. Proust, lui, il subjugue, il fascine. Et c'est vraiment une finesse. C'est ça, c'est la première fois. C'est la première fois. Je commençais à me dire ça avec Céline, peut-être Albert Cohen aussi. Mais là, vraiment, avec Proust, on a envie de rencontrer l'auteur. On a envie. Enfin, moi, je me dis, mais envie de parler à Proust. Qu'est-ce que ça peut donner de parler à Proust? À quel point ce génie, est-ce qu'il peut transparaître dans le. Dans la vie? Est-ce que ça pou... Qu'est-ce qu'on sentait quand on parlait à Proust? Est-ce qu'on se sentait vraiment loin? Loin du personnage, trop minable, ou est-ce que pas du tout? Bon, je me demande, je me demande. Parce que c'est vrai que c'est vraiment le monument, quoi. Alors bon, ça dit pas grand-chose là, tout mon blabla. Quatre parties dans le roman. Bon, en fait, trois. Hein. Non, trois parties en fait. Mais une première partie coupée en deux. Bon, je vois pas trop d'ailleurs. Une première partie qui s'appelle Combray. Une deuxième, un amour de Swann. Et une troisième avec un nom fascinant, qui est nom de pays, deux points, le nom. Alors, nom de pays, NOMS, de pays, deux points, le nom, NOM. Voilà, c'est une petite partie, une quarantaine de pages, la dernière. La grosse partie, c'est quand même un amour de Swann. Enfin, les deux premières parties, c'est des parties de 180 pages, quoi. Donc, Combray. Combray, c'est une partie, une tranche, d'ailleurs peu... Alors c'est compliqué, hein. Il y a le narrateur, alors il y a l'auteur, l'auteur. Ensuite, il y a le narrateur. Narrateur, c'est quelqu'un qui est devenu adulte, mais qui se rappelle de son enfance. Je me crois même pas qu'on ait son nom. Mais je peux me tromper, hein. Mais là, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir son nom. Mon grand-père, ma mère, je, il y a pas de nom. C'est tout en relatif par rapport au narrateur. Et on peut pas penser, voilà, c'est Proust. Alors c'est Proust ou c'est pas Proust, mais on sent que effectivement, c'est pas autobiographique, mais presque. Pour ça, je connais pas assez la vie de Proust, hein. Je connais pas assez son enfance. Je sais que tout de même. Que, alors je sais pas dans quel, alors c'est pas la Normandie proche de la mer. Je crois que c'était dans l'Eure. Je crois que c'est l'Eure, le département de Proust, où il allait la maison de sa tante. Voilà, c'était la maison de sa tante, je crois, l'été. Alors c'est assez intéressant parce que il y a quand même quelque chose de, là ça commence, voilà, la mythologie proustienne. Parce que le village, qui s'appelle Illier, je crois, où il y avait la maison de sa famille, la famille de Proust, enfin la tante, hein, de Proust, là, non, qui est. Alors dans le roman serait Combray, Combray. Eh bien, ce village imaginaire, tout est imaginaire, hein, dans la Recherche du temps perdu. Hein. Les références aux musiciens, enfin peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. Hein, les artistes, voilà, beaucoup beaucoup de choses. En tout cas, quand on en parle beaucoup, c'est imaginaire. Et donc, Combray, village imaginaire, serait Illier. Eh bien, alors Combray, Combray, ouais, c'est ça. Eh bien, ce village d'Illiers a été rebaptisé en l'honneur de Proust, je crois 100 ans après la naissance de Proust, je crois. Donc, c'était dans les années 70, 1970 et quelques, alors, 72, je sais plus, 16. Et le village a été rebaptisé Illiers-Combray, Illiers-Combray. C'est la première fois. Paraît dans l'histoire, en France, je crois en tout cas, qu'un village prend le nom d'un village de fiction. Ça, c'est pour moi vraiment Enfin, c'est déjà c'est merveilleux, parce que c'est vraiment la fiction qui déteint sur le réel, donc c'est déjà merveilleux. Et a priori, pour Proust aussi, c'est dans une perspective proustienne, c'est encore plus génial, parce que Proust passe son temps à défendre, c'est le primat de l'imaginaire, le primat de l'esprit sur le réel, dans le sens où ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui naît de l'esprit. Le réel, sans ce que l'esprit a pu mettre dessus, n'a aucun intérêt. Et ça, alors pour le narrateur, bon, pour Proust aussi probablement. Hein. Alors bon, faudra que je creuse, j'avais une petite thèse, là, a priori, du côté de, contre Sainte-Beuve, c'est un livre de Proust où il défend sa théorie littéraire. A priori, Sainte-Beuve défendait l'idée que si on connaissait bien la vie de l'auteur, on pouvait la retrouver dans son œuvre, quelle que soit l'œuvre. Hein. Et a priori, donc Proust s'y opposait. C'est tout ce que je sais. Mais moi, je peux imaginer que Proust défendait l'idée d'une sorte d'autonomie de l'œuvre. Certes, hein, l'œuvre vient de l'auteur. Elle est inextricablement liée à l'auteur, mais défendre une forme de... C'est assez subtil, hein, comme approche. C'est-à-dire qu'on peut défendre l'idée qu'une fois que l'auteur crée, il est emporté par son œuvre elle-même. Son œuvre a sa propre vie, si on veut, sa propre autonomie d'existence, comme une vie créée, comme un enfant, mais un enfant qui serait autonome. Enfin. Et en tout cas, qu'on puisse pas simplement dire que, voilà, connaissant l'auteur, on peut savoir ce qu'il a pondu. Bon. Ce qui n'empêche pas, et c'est là que c'est fort, c'est qu'en même temps, Proust, c'est vraiment l'archétype de l'auteur qui se dit. Il se dit lui-même dans l'œuvre, mais il se dit, hein, sans se dire, c'est ça qu'il se dit sans. C'est pas une autobiographie non plus. Hein. Et puis il se dit peut-être, en faisant cette sorte d'autobiographie, il se dit peut-être moins directement qu'un auteur qui fait une biographie. Ou un auteur qui ferait une fiction en croyant qu'il ne se dit pas. Lui, Proust, il joue à ne pas se dire tout en faisant une sorte d'autobiographie plus sincère que s'il avait dit le réel. Primat de l'imaginaire, voilà, de toute façon. Et alors, bon, j'avais cette idée-là, et effectivement, alors il y a un des. Parce qu'on parle toujours de la Madeleine de Proust, certes. Ok, c'est intéressant. Mais il y a autre chose, c'est là, beaucoup plus fascinant d'ailleurs, qui prend énormément de place dans le roman, beaucoup plus que là, ma pauvre Madeleine, c'est la fameuse sonate. Dans une sonate de Vinteuil, alors Vinteuil c'est un auteur imaginaire, un compositeur imaginaire. Moi, naïvement, j'ai recherché Vinteuil, hein, parce que, comme tout bon naïf qui découvre Proust. Et effectivement, il n'existe pas. Donc, la sonate de Vinteuil, eh bien, elle a une grande place dans le roman. Alors, pas là, toute la sonate, d'ailleurs, c'est ça qui est encore plus génial, c'est que c'est une phrase de la sonate qui a une place incontournable dans le roman. Une phrase. Alors là, une phrase, bon. Pourquoi? Parce qu'elle a un impact mental énorme sur un des personnages. Swann, justement, Swann. Monsieur Swann. Charles Swann. Qui est un homme de la génération des parents du narrateur, qu'admire complètement le jeune narrateur. Enfin, le jeune, oui, enfin, qui n'est plus jeune au moment où il écrit, mais qui se souvient de son admiration pour lui. Alors, cette phrase musicale, oui, pourquoi, par rapport à la théorie que j'exposais avant, c'est l'intérêt, c'est que. Comment le dire? Cette phrase, au-delà même du rôle qu'elle joue dans le. Pour le monsieur Swann, pour Swann, on l'appelle jamais monsieur Swann, c'est Swann. Bon. Et au point que je croyais que c'était une sorte de prénom, moi, enfin bon, toujours la naïveté, l'ignorance totale. Bon. Eh bien, cette phrase, elle. À un moment, Proust finit par lâcher complètement le truc, et là, il a, pour moi, elle est quasiment les plus belles pages du livre, il commence à décrire. Il insiste sur le fait que cette phrase est réelle. Bon, réelle. Qu'est-ce qu'une phrase réelle? Alors là, le mot réel, hyper, on ne sait plus ce que c'est. Hein. Alors, une phrase musicale qui devient réelle, qui existe réellement. Voilà, qui existe réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle pas de musique, il parle pas de notes, il parle pas de fréquences, de hertz, il parle. C'est quoi une existence réelle d'une phrase musicale? Eh bien, selon moi, hein, j'ai rien lu là-dessus, mais c'est une forme de. C'est un personnage, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vit. Enfin, pas qui vit, mais qui a son autonomie. Il défend pas vraiment une vie de la phrase, mais en tout cas une autonomie de la phrase. Pourquoi? Parce que à un moment, il a des, c'est sublime. Il a deux, j'irais, il y a deux, il attaque cette idée sous deux angles. D'une part, l'angle du compositeur, Vinteuil. Il va jusqu'à dire, enfin, je retrouve le passage, mais ce sera difficile parmi tous les toutes les pages que j'ai notées. Il va jusqu'à dire que cette phrase est tellement réelle, existe tellement, qu'il en a pour preuve que si Vinteuil, en la composant, avait voulu y mettre du sien, avait voulu modifier une sorte d'essence de la phrase qui ne viendrait pas de Vinteuil, c'est ça qui c'est pas dit bien sûr, mais c'est sous-entendu, que si Vinteuil, l'auteur, le compositeur de cette phrase, avait voulu y mettre de sa du sien, avait voulu y mettre sa patte, les auditeurs auraient décelé l'imposture, auraient vu que cette phrase n'avait pas été avait été transformée par Vinteuil. Transformée, donc trahie, enfin oui, réécrite comme si elle n'avait pas d'abord été écrite par Vinteuil, et voilà, comme si c'était, on pouvait dissocier une sorte de voilà, il y a l'essence de Vinteuil, il y a l'essence de la phrase, qui ne se rencontre pas. La phrase n'est pas une pure production de Vinteuil. La phrase, elle existe. Alors c'est un peu la même image, je ne sais plus si c'est mis dans le livre. Non, je crois pas. Mais j'ai vu ça ailleurs. À propos de la sculpture, quand il y avait une œuvre, je sais plus qui a dit ça, mais ça a été dit, je sais plus du tout. Il y a une œuvre, il y a un bloc de pierre, de granit, là, voilà, magnifique, plein, qui n'est pas encore taillé, une sorte de grand parallélépipède. Et là, voilà, il y a plus que, et on présente ça à quelqu'un, on dit voilà, il n'y a plus qu'à tailler, la Vénus de Milo, elle est là, quoi. Ou le David, ils sont là, dedans. Alors voilà, je trouve ça merveilleux. C'est un peu le même esprit. C'est que Vinteuil, lui, se contente de faire apparaître ce qui, de toute façon, était déjà là. Était là. Comme la statue dans son bloc primitif. Elle est là. L'artiste se contente d'enlever ce qu'il y a autour. Alors bon, c'est une vision complètement ahurissante, bien sûr. Mais voilà, je crois que ça répond bien à l'idée du là, le contre-Sainte-Beuve. C'est l'auto. Alors, je peux me gourer complètement sur le contre-Sainte-Beuve. En tout cas, je me gourre pas sur l'idée que Proust a de l'œuvre d'art et donc de son livre aussi, parce qu'il y a une mise en abîme là. S'il parle de Vinteuil, il parle aussi de lui en tant qu'écrivain. Il parle d'un Vinteuil compositeur, il parle de lui écrivain. Je pense que c'est à la fois, je trouve, je pense que Proust est très lucide sur le fait que son œuvre, c'est lui. Et pour aucun d'ailleurs, et c'est très intéressant parce que tout le monde est conscient que pour aucun autre écrivain, il est aussi clair que l'œuvre d'art, c'est le reflet de l'écrivain. Là, la recherche du temps perdu, c'est vraiment le reflet. Certains disent que c'est sa psychanalyse elle-même. Enfin, donc, y a quand même, c'est réellement fascinant. Donc, il fait une image comme ça de crée une image où, sur la phrase de Vinteuil, où il s'amuse à dire qu'effectivement un amateur de cette phrase aurait tout de suite décelé si Vinteuil n'avait pas avait voulu y mettre sa patte, avait voulu transformer cette phrase. Voilà, donc déjà transformer avant même qu'elle soit. Enfin, bon. Ça, c'est assez génial comme idée. Et après, il y a un autre moment un peu plus qui illustre un tout petit peu moins, mais presque, c'est que le. Mais c'est sous un autre angle, c'est quelques pages plus loin, hein, d'ailleurs, je crois, tout près, hein, ou avant, je sais plus. Où là, c'est l'autre aspect de la création. Une création d'une phrase musicale, d'une sonate, c'est à la fois le compositeur et les musiciens qui la jouent après. Et là, Proust s'amuse à dire, d'une façon merveilleuse, hein, vraiment, réellement, mais la beauté des mots, là, que les musiciens courent après les notes. Comme si, là encore, on inverse le rapport du créant créé, du fabricant fabriqué, du produisant produit. On inverse le rapport et le musicien est au service. Alors d'ailleurs, on le dit, il y a des images. C'est vrai qu'on dit qu'un écrivain est au service de la musique qu'il joue. Un musicien. Un écrivain est au service de la littérature. On ne peut pas dire qu'il est au service de. Par contre, un acteur de théâtre ou de cinéma, bon, enfin plutôt de théâtre, est au service de l'auteur. Oui, c'est vrai. Mais il va un cran plus loin parce que vraiment, il inverse complètement. Alors, je crois que d'ailleurs, il fait une métaphore. Les notes, c'est des animaux, et des oiseaux, et je crois qu'il faut les attraper. L'archer, c'est le chasseur, le violoniste. Bon. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est que le musicien, lui, la note, elle est là, elle préexiste. Elle préexiste au fait que le musicien va la jouer. Ça, c'est réellement génial. Enfin, partir dans ce délire-là, c'est vraiment. Je pense qu'il expose sa thèse, là, Proust, je pense. Ça, c'est vraiment splendide. Bon, là, j'essaye de retrouver le passage. Alors, finalement, raconter d'histoire, il y a peu de livres où c'est presque aussi inutile de raconter l'histoire. Je vais quand même tenter de le faire, hein, parce que puis après je réfléchirai sur le titre. Bon, l'histoire très vite parce que bon, il y a 400 pages là, c'est des belles pages, c'est très dense. Il y a des mots, hein, il y a des mots, il y a des mots, et pourtant il n'y a pas franchement de péripéties. Vraiment pas. C'est pas le thriller, hein, c'est le contraire du thriller. C'est le contraire du thriller. Le thriller, il veut en venir quelque part. Il veut tenir l'auditeur en haleine. Le thriller, il y a des choses qui s'enchaînent, il y a des faits, il y a des. Enfin, c'est tout le contraire de Proust, quoi. L'auteur du thriller, il construit une histoire comme ça. Proust, lui, se livre complètement. Enfin, c'est vraiment le contraire à tous les niveaux, hein. Alors, Combray. Donc, le narrateur décrit les étés à Combray. Qu'est-ce que ça évoque? Le grand-père, la grand-mère, les parents. Dans un certain flou d'ailleurs, parce que la grand-mère finit par mourir, on sait qu'elle est morte après. Je crois qu'il y a la maison de la grand-mère. Je suis pas sûr que ce soit la maison. Enfin, il y a la bonne, il y a Françoise. Hein, là, c'était la bonne de la grand-mère qui est ensuite devenue la bonne des parents. Bon, il y a un certain flou, mais on s'en moque complètement. L'important, c'est de se pénétrer de chaque sentiment, de chaque sensation du narrateur. Et il décrit notamment Monsieur Swann. Là, on sent. C'est intéressant parce que là, il y a une inflexion. On sent vraiment l'admiration. L'admiration du narrateur pour un homme encore un peu énigmatique, un peu mystérieux. Et ça, c'est vrai que c'est très très net, quoi. Le lien qu'il a avec ses parents, Swann, c'est la classe. Vraiment la classe. L'aristo. Qui se la pète pas, mais qui quand même se la. Bon, indirectement aussi, il se la pète tout le temps, mais très indirectement. En tout cas, le narrateur, lui, est fasciné, ça c'est certain. Enfin, je me souviens de détails, là, à un moment, quand il dit que Swann, il est tellement bien élevé qu'il dit jamais ce qu'il pense. Ça, c'est génial. Il ne parle jamais des sujets graves, tellement il est bien élevé. Bon. Il ne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il se contente de. Et à chaque fois qu'il s'engage un peu, quand il dit un peu le fond de sa pensée sur un sujet pas trop anodin, et là, il prend un autre ton. Il met des guillemets. Il met des guillemets par le ton, peut-être même, disons, je sais plus. Il met des guillemets, Swann. Et ça, c'est assez fascinant. Et Proust le critique, tiens, quand même. Enfin, Proust, le narrateur, critique quand même ça. C'est-à-dire, enfin, il y a une critique, un peu, je trouve. Une douce critique, hein, bienveillante, mais quand même. C'est assez net que quand même, c'est assez pathétique de devoir à chaque fois se défendre en mettant une distance par le ton, pour adoucir ce qu'on est en train de dire, dès que ce qu'on dit a un tant soit peu de sens. Alors, ça me fait penser à ce que j'ai entendu il n'y a pas très très longtemps sur une notion de linguistique qui s'appelle. Alors, il y a deux notions voisines, enfin cousines, c'est l'hypercorrection et l'hypocorrection. L'hypercorrection, c'est effectivement tenter de parler de façon plus châtiée que ce qu'on peut produire. Donc, et ainsi faire une erreur de langage. Voilà, bon, ok. Ça, c'est l'hypercorrection. Et l'hypocorrection, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, l'hypocorrection est passionnante parce que l'hypocorrection, il y a plusieurs façons de faire de l'hypocorrection. Mais il y en a qui sont inconscientes. Alors, là, ce que Swann fait quand il change de ton, c'est pas une hypocorrection. Une hypocorrection, c'est quand on parle moins bien que ce qu'on peut faire. Alors que ça peut être, ah oui, alors quoi, bon, enfin ouais, alors que bon, ouais, tu vois, enfin ouais, tu vois, je vois, enfin. Ça peut être aussi des fautes de français, hein, genre, ou des redondances complètement imbéciles, hein, comme les politiciens actuels, là, qui nous font du. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent les Français? Les Français, ils veulent. Voilà, bon. Ils se demandent, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ils ne se demandent pas ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent les Français? Ils veulent. On répète là, on répète le nom. On dit pas les Français souhaitent ou les Français veulent que. Non, non, non, veulent que, c'est trop compliqué. Voilà, ça c'est une hypocorrection. Celle-là, elle est, je dirais, une démagogie du langage, un nivellement du langage. Bon. Très politicien, moche. Bon. Mais par contre, là, il y a une hypocorrection intéressante, c'est le fait qu'on peut parler. Sous son registre de langage, complètement inconsciemment, pour s'excuser de dire ce qu'on dit. Et ça se fait complètement inconsciemment. Et je l'ai pu l'observer sur moi déjà, j'ai fait ça. C'est normal de le faire. Enfin, c'est a priori, c'est un mécanisme, une forme de défense a priori. Pourquoi? La thèse de la linguiste qui expliquait ça, c'est que. Alors, celui qui parle. Et d'emblée dans une situation de dissymétrie évidente par rapport à celui qui écoute. Il est au-dessus. Il est au-dessus parce que il déverse sa pensée sur l'autre. Il occupe l'espace. Hein, faut vraiment imaginer la parole, je pense, comme un membre. C'est vraiment ça. Un membre qui peut toucher, qui prend un pouvoir dans l'espace, qui prend un pouvoir sur l'autre, qui traverse l'espace, qui touche l'autre. Et donc, celui qui parle. Il est en situation de pouvoir. Il y a une dissymétrie. Ça, d'autant plus que ce qu'on dit a de l'importance pour soi. Parce que là, on n'est pas à dire des banalités, on n'est pas à dire, ah, il fait beau aujourd'hui. Non, non, on dit quelque chose qui compte. Et quand ça compte pour soi, ben, c'est censé compter pour l'autre, c'est censé déranger l'autre. Ça peut le déranger d'ailleurs, c'est forcément. Si on dit quelque chose qui compte pas pour soi, ça dérangera personne. Même si on dit quelque chose d'énorme, hein, de très important. On dit, ah, je sais pas moi, une pensée très profonde, mais à laquelle on croit pas, dont on se fout, ça dérangera pas grand monde. Mais si on donne ses tripes, ou si on dit quelque chose de complexe aussi, parce que ça aussi, ça induit une dissymétrie, si on s'exprime. Ça augmente la dissymétrie du langage, le fait du locuteur et de l'écouteur. Ça augmente cette dissymétrie, le fait de se livrer et le fait de dire quelque chose qui a du sens et voire de profond, soit sur la forme, soit sur le fond. Et ça, quelles conséquences ça peut avoir? Ça peut bien sûr avoir comme conséquence une défiance de la part de l'écouteur, qui se sentira comme agressé. comme mis en infériorité. C'est ça, qui a un complexe d'infériorité. Alors évidemment, tout ça n'arrive pas heureusement à chaque fois que bon, hein, mais c'est forcément une possibilité. Bien sûr, il y a la confiance, il y a des sentiments entre les gens qui peuvent éviter ça, mais c'est une possibilité. Même d'ailleurs entre gens qui s'apprécient, qui se connaissent bien. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, ne serait-ce que aussi parce que c'est un, je répète, enfin pour moi, hein, c'est un, la parole, c'est un membre. C'est un membre comme un bras, comme une jambe, je ne parle pas d'autre chose. C'est un membre qui va, qui touche l'autre. Et donc, rien que pour ça, ça, bon, bah, ça dérange, hein, c'est la tentacule, quoi. Bon. Et ça, comme le locuteur inconsciemment en a tout à fait la perception, il sait que lui, à la place de l'autre, bon. Voilà, théorie de l'esprit sans doute, mais je pense que forcément, c'est inévitable. Soit il voit les signes de l'autre, soit il sent de toute façon ce qu'il peut faire parce que lui-même l'a subi. Et donc là, c'est pas anodin. C'est pas anodin, et pour s'en défaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut arrêter de parler. Mais ça, c'est pas non plus tout à fait dans la nature humaine, quand on a quelque chose à dire, d'arrêter de parler et de se taire. Et on peut tout simplement essayer d'adoucir la forme. S'excuser par la forme, se rabaisser par la forme, oui, c'est ça, se faire humble par la forme. Et comment se faire humble par la forme? Bah, par une hypocorrection, c'est-à-dire parler sous son niveau de langage, pour diminuer l'impression de pédantisme, pour diminuer l'impression d'être au-dessus, pour diminuer le fait qu'on est en train d'asséner des coups de langage à l'autre, etc., etc. Bref, on désamorce une défiance qu'on pense pouvoir naître de par simplement la situation dissymétrique du langage. Et du coup, c'est intéressant parce que j'ai appris ça après avoir lu l'histoire de Swann, là, quand Swann dit sur le ton de la plaisanterie ou de la badinerie ou un ton un peu désuet ou un peu humoristique, un peu second degré, un peu ironique. Quand il dit quelque chose qu'il pense, qu'il a une opinion qui a un peu plus de valeur que de simple bavardage, il semble s'excuser par ce biais. Et ça, c'est une forme. Enfin, pour moi, c'est un cousin de l'hypocorrection. Même si il ne descend pas son niveau de langage, le ton fait office d'hypocorrection. Donc ça, je trouve que voilà, c'est un exemple. Bon, c'est tout. C'est un petit trait qui m'a intéressé. Donc l'histoire, ouais, c'est qu'est-ce qu'on apprend de Proust dans sa maison de Combray là, avec ses parents. On en retire, ouais, pas beaucoup beaucoup de choses, hein, surtout sur 180 pages. Ce qu'on retient, c'est d'une part une grande sensibilité du narrateur, un grand amour pour sa mère. Mais un amour un petit peu maladif, un petit peu fusionnel, un petit peu d'une fragilité extrême quand même, hein. Donc c'est pas le simple amour positif, ouais, bon, il aime sa mère. Non, non, c'est fort, je vais pas dire que c'est pathologique du tout, parce que là, franchement, non, c'est pas l'idée, j'en sais rien, bon. Mais enfin, ça prend des allures. Voilà, moi je me dis simplement moi qui étais très proche de ma mère, enfant, comme ça, j'avais pas cette impression de dépendance affective, émotionnelle, aussi forte. Bon. Donc forcément, ça me paraît fort. Voilà, c'est tout. Je juge à l'aune de mon propre vécu. Ça me paraît effectivement un peu excessif. Mais excessif, pas dans le sens d'un jugement de valeur, mais par rapport à une moyenne, par rapport à l'enfant type qui aime sa mère, je trouve que effectivement c'est fort, très très fort. Alors bon, je veux pas parler du fait que un Proust, voilà, c'est le fils à maman homosexuel, bon, enfin si, j'en parle, mais effectivement c'est les clichés, et c'est vrai que là, on peut retenir ça, on peut retenir ça malgré tout. Faut vraiment pas s'arrêter là, mais il y a un attachement pour la mère qui est quand même particulièrement fort. Mais le narrateur, lui, alors c'est un des points. Alors après, donc la mère, puis alors ça se transforme en des choses. Le soir, pour qu'elle vienne lui faire un dernier baiser dans son lit, il était prêt à tout. Or, les soirs où il recevait des gens, ça c'était la normalité. Elle venait lui faire un baiser dans son lit. Sauf que quand il recevait des invités, elle ne venait pas. Et ça le rendait malade. Et il faisait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle monte quand même et qu'elle lâche ses invités pendant quelques minutes. Mais il était prêt à se ridiculiser, à s'humilier réellement, hein, prêt à tout, parce que c'était trop dur d'aller dormir. Il n'aurait pas dormi d'ailleurs. D'ailleurs, à un moment, il décrit une forme d'insomnie comme ça. Trop dur d'aller dormir sans que sa mère lui dise au revoir. Alors que pourtant, dans la journée, il n'a pas l'air, bon, il partait se promener, machin, enfin bon. Ouais, c'est le rapport à la nuit aussi, c'est vrai que c'est le rapport à. Ça, je peux le comprendre aussi, même si ça, voilà, pousse extrême, c'est très fort, on sent la sensibilité, mais voilà. Donc ça, c'est un aspect assez important. Il y a donc l'admiration pour Swann. Et puis des rencontres, hein, la fille de Vinteuil. Est-ce que j'ai son nom? Est-ce que j'ai noté son nom? Non, je n'ai pas noté. Il y a la fille de Vinteuil. Oui, bon, une aventure homosexuelle, alors elle est complètement méprisée, et puis ça détruit complètement la réputation du père, bon, ce genre de choses. Et Proust y assiste, donc il y a une scène où elle se renverse sur le canapé, et puis je crois qu'elle écarte les jambes, enfin, mais avec Proust, on est déjà en plein acte sexuel qu'on n'a pas. Je comprends tout à coup, j'ouvre les yeux, je me dis, ah oui, ça y est, ils sont en train de. Mais j'ai toujours l'impression d'être surpris. C'est l'inverse d'un roman où. Enfin, un roman. J'ai pas lu beaucoup de romans où on prépare les choses, mais on a l'impression que ah bah ça va venir là, ils vont coucher ensemble ou ils vont. Non non, là c'est avec Proust, c'est tellement fin que j'ai toujours l'impression d'être surpris. Le voyeurisme du narrateur est amusant quoi, parce qu'il voit ça, il était là derrière les volets machin. Bon, ça l'a beaucoup émoustillé a priori, même s'il rentre pas dans les détails. Voilà. Et puis il y a la fille de Swann, Gilberte. Qui découvre au hasard d'une de ses promenades dans son jardin à elle, il y a un chemin qui longe leur propriété. Et il tombe complètement sous le charme. Et elle le méprise complètement. Voilà. C'est tout. Mais bon, ça aura un petit écho plus tard. Bon, mais c'est vrai qu'il en parle. À noter quand même aussi, ça c'est toujours la première partie, mais là par contre le point que je vais aborder, c'est dans tout le roman, c'est le rapport au souvenir. Hein. La Madeleine de Proust, c'est ça quand même, c'est aussi l'essence. Alors là, c'est tout simplement le fait que l'essence, le goût de la Madeleine trempée dans le thé, le fait voyager instantanément vers ce passé ou cette enfance à Combray où il faisait ça. Et tout le reste effectivement, du livre, c'est vrai qu'il y a une grande réflexion sur le passé, et notamment les 3-4 dernières pages du livre, c'est incroyable. Il explicite ça beaucoup, en quoi le souvenir n'est intéressant que parce que tout ce qu'on y a mis, c'est-à-dire que c'est des instants de vie, c'est des sensations, c'est notre. Ce qui rend le souvenir intéressant, c'est le regret d'un instant perdu. Et c'est le regret d'un instant vécu surtout. C'est du vécu. C'est pas des simples sensations, ça on s'en foutrait. C'est vraiment le vécu qui compte. Donc ça c'est. D'ailleurs la Madeleine c'est ça, un rappel, un bien-être, rappel ce qui vivait à ce moment-là. Et pas on s'en. C'est pas simplement ah oui ça me rappelle la Madeleine que j'ai mangée quand j'étais petit. Non, ça va plus loin. Hein, c'est. Voilà, bon, bah la première partie en gros c'est ça, hein. Et puis alors, du côté de chez Swann, alors le titre quand même, faut en parler un peu, parce que quand même, à Combray, dans la maison de ses parents-là, quand ils partaient faire leur promenade quotidienne, hein, c'est vraiment l'oisiveté absolue, c'est merveilleux, On partait d'un côté ou de l'autre. Hein. Il y a deux côtés quoi, pour partir faire se balader. Il y a du côté de chez Swann et du côté des Guermantes. Les Guermantes, c'est une famille très très noble. C'est magnifique, quoi. Les Guermantes, ça fait. En fait, Stéphane Bern, c'est un peu un Proust de ce point de vue-là. Enfin, de ce point de vue-là. Hein. Le reste, bon, je sais pas. On va dire que je sais pas. À part aussi l'homosexualité, c'est amusant. Mais le point commun, c'est l'admiration pour tout ce qui est aristocratique. Alors là, l'excuse de Proust, c'est que c'est en tant qu'enfant. Hein. C'est le narrateur qui. Je verrai après si ça se prolonge, mais je pense pas. Je pense que bon, c'est vraiment l'enfant qui est béat d'admiration devant ce monde hyper codé, quoi, où chacun a le niveau, un certain niveau. Et ça, c'est assez terrible. C'est pathétique, hein, ça donne envie de faire la révolution. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette perception de Proust. D'ailleurs, à un moment, il voit la duchesse de Guermantes à l'église. Il est déçu. Parce qu'elle a le teint rougeau, elle n'est pas très belle. Mais en même temps, la classe, quoi, la classe. Et d'ailleurs, il interprète. Il se moque, tout d'ailleurs, en même temps. Hein. C'est ça le problème de Proust, c'est que le narrateur est en admiration. Il décrit toute l'admiration qu'il a vis-à-vis de l'aristocratie et tout. Puis en même temps, je crois qu'on n'a jamais mieux décrit le snobisme que dans ce livre. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Une critique. Vraiment, se moquer du snobisme à ce point, c'est très très drôle. Il y a vraiment. Oui, j'ai un truc que j'ai pas dit, c'est drôle. Une fois qu'on passe par-dessus la difficulté, par-dessus l'apparence de futilité totale de tout ça, on voit la profondeur et aussi il y a beaucoup d'humour. Pas enfin, beaucoup. Il y a de l'humour. Mais c'est grinçant en même temps, alors c'est. Voilà, donc il se moque beaucoup des snobs, des gens un peu au-dessus finalement. Alors, enfin, pas que au-dessus d'ailleurs, non. Non, non, il y a aussi des gens en dessous qui essayent d'avoir l'air snob. Non, il y a aussi ça. Deuxième partie, un amour de Swann. Alors là, il faut que je confesse mon ridicule d'avoir cru. Je veux dire, je m'étais pas beaucoup posé la question, hein, à ma décharge. Je pensais que j'avais entendu un amour de Swann. Alors j'étais perdu parce que du côté de J. Swann, un amour de Swann. Un amour de Swann n'est qu'un chapitre. Enfin, plutôt la deuxième partie du côté de chez Swann. Bon. Sauf que, dans une édition de poche, comme c'est un trop gros livre, parce que comme j'ai dit, là c'est une édition NRF, une belle collection jaune pâle, les phrases, c'est un peu un format assez grand, c'est écrit assez petit, c'est très dense, donc en fait ça tient pas. Hein. Enfin, si, il faudrait peut-être. Peut-être 1000 pages en poche, quoi. Du coup, il y a du côté de chez Swann, non, Un amour de Swann, donc la deuxième partie, est devenue un livre. Et sans doute d'ailleurs avec un nom de pays, le nom. D'ailleurs, ça doit être aussi dedans. Alors, Un amour de Swann, moi je croyais que ça voulait dire. Ah, quel adorable Swann, hein. Un amour de canari, un amour de petit chien. Et puis non, c'est pas ça. Un amour de Swann, c'est une femme qui a été l'un des amours de Swann. Donc c'est pas du tout ce que je croyais, quoi. Mais c'est pas grave, hein, ça change rien, et puis voilà, c'est ridicule, mais c'est amusant de se rendre compte qu'on peut même se méprendre sur ça. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le narrateur se transforme en personnage quasi omniscient de la pensée de Swann. Donc ça, c'est un peu, il y a une indirection supplémentaire, là, il y a un niveau d'empilement, là, un peu subtil. Il y a un narrateur, il reste le narrateur, c'est-à-dire que c'est pas Swann qui devient le narrateur. Il y a parfois une distance, un regard critique du narrateur sur Swann, mais en même temps, une quasi-omniscience de ce que pense Swann. Enfin, une omniscience. Après, il choisit de dire ou pas des choses, mais il sait tout de ce que pense Swann. Alors, peut-être que j'apprendrai plus tard dans un tome suivant de la recherche. Que, ça y est, je fais comme Swan, dans un tome suivant que en fait il lui a tout raconté. Une fois plus vieux, il a tout raconté au narrateur. Mais je sais pas pourquoi j'en doute. J'en doute. Ce qui, du coup, enfin, j'en sais rien. Quelque part, c'est incohérent. Bah oui, c'est incohérent. C'est incohérent parce que, un peu comme dans, je venais de terminer, Les Hauts de Hurlevent, incohérent les récits de A qui raconte à B, A qui raconte tout ce qui s'est passé pendant une vie, en se souvenant de tout, en se souvenant des finesses de tous les personnages, et parfois de la pensée des personnages. Non, c'est pas crédible. Bon, peut-être que j'apprendrai qu'il deviendra un très très grand intime de Swann plus tard. C'est possible. Pour l'instant, voilà, il y a un peu narrateur devient un peu auteur, dans le sens où l'auteur, lui, peut se permettre d'être omniscient. Mais le narrateur qui raconte sa vie, parce que c'est censé être quand même la vie du narrateur, là, enfin là. Là, c'est pas très, c'est moins cohérent. Alors, il raconte donc un amour de soi. Alors, un amour de Swann. Alors, Swann, il a une vie très mondaine, hein, une vie vide, d'ailleurs, quasiment. Enfin, bon, à part quelques travaux, il réfléchit en peinture. Ouais, bon. On sait même pas ce que c'est que ces travaux-là. Enfin, bon. Et donc, il rencontre une femme chez les Verdurin, je crois. Oui. Alors les Verdurin, c'est une famille. Alors ça, c'est le summum. Alors là, c'est très drôle. Les passages où on commence à parler de ça, c'est très drôle. C'est une famille qui de très riche, mais c'est des bourgeois. En gros, c'est des nouveaux riches, des parvenus, n'est-ce pas? Et ça, c'est amusant. Surtout, alors elle, a priori, lui, peut-être un peu plus noble de nom. Le mari, Monsieur Verdurin, mais de toute façon c'est sa femme hein, qui est un peu aux commandes, et c'est elle qui avait la grande richesse. Alors je sais plus, je crois qu'il s'est dit dans le roman, mais de quel aïeul elle tient ça, et puis de quel type de fortune il s'agit. Bon, enfin, c'est pas glorieux. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que Proust, par moments, il critique le snobisme des aristos, mais en même temps, bah, détecter les nouveaux riches, si c'est pas un truc d'aristo, ça c'est quand même hein, bon. Ou de jaloux. Autre chose ça, mais. Voilà, donc, alors, ils se retrouvent au dîner des Verdurin. Alors, les Verdurin, c'est pas rien, les Verdurin. C'est des gens qui reçoivent et qui phagocytent. C'est terrible, ouais, c'est terrible. Hein, parce qu'ils reçoivent tous les soirs, quasiment. Hein, c'est ça, ils ont une bande d'amis qui reçoivent. Et le cercle, la coterie. Et le cercle d'intimes. Mais c'est tout. Il y a ce cercle et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que pour faire partie de ce cercle-là, il faut reconnaître publiquement dans le cercle que toute autre soirée, que tous les autres sont des ennuyeux, que les soirées sont moins bien ailleurs. Ça, c'est terrible. Hein. On imagine très bien, malheureusement. Hein. Donc, une espèce de totalitarisme absolu, là. C'est ça qui est amusant. Donc, Swann, je ne sais plus comment, il arrive dans ce cercle-là. En fait, si, il arrive par Odette du Crécy. Odette de Crécy. Ou Odette du Crécy. De. Du, ça fait un peu prolo, non? Odette de Crécy, bien sûr. Alors, je crois qu'il la rencontre et l'invite là, chez Verdurin, et elle l'introduit dans ce cercle. Donc, il est chouchouté, hein, c'est le nouveau venu, ça. Les gens, enfin tout le monde a vécu ça, je pense. Soit en étant le chouchou, soit en voyant se développer cette espèce de fascination pour la nouveauté, le nouveau dans le groupe. Ça a toujours quelque chose d'assez, comment dirais-je, dérangeant. Voilà. Dérangeant pourquoi? Parce que tout le monde joue ce jeu. Enfin, dérangeant pour moi, hein. Parce que tout le monde joue. Mais manifestement pour Proust aussi. Alors là, je ne peux pas dire ça sans sourire, parce que quand même, on se sent un peu, ça fait un peu péteux de dire ça, mais c'est dérangeant, pourquoi? Parce que le nouveau, il n'est pas dupe, il est sous les flashs, quoi, hein, sous les flashs, sous les projecteurs, il est flatté, il est heureux, il est admis, il est adoubé, il est, bon, pitoyable. Pitoyable parce que bah, ça, c'est la flatterie, c'est la vanité, tout ça, et puis en face, il y a une forme de consommation. une consommation de l'autre. Et ça, c'est. Enfin bon, Proust, il s'appesantit pas. Il le dit pas directement, tout ça. Hein. Bon, on voit bien les mécanismes en marche et tout, ça suffit. Proust, il n'y a pas besoin de dire plus. Il le dit tellement bien, les choses, qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais c'est vrai qu'il y a une consommation de l'autre, et quand on consomme, on est avalé. Au début, on est flatté, après, on est avalé. Ça peut être très bien parce que là, il y a un effet de groupe. Alors là, c'est le mauvais côté de. C'est le grégaire, hein. C'est le grégaire dans toute sa splendeur et son horreur, hein, d'ailleurs, moi je trouve. On est dans le groupe, ça y est. Et puis après, il faut filer droit, quoi, parce que le groupe, il a ses règles. Pour pas dire ses chefs aussi. En l'occurrence, là, c'est Madame Verdurin donne le ton, qui donne le ton, qui dirige tout, puisqu'elle a le fric aussi, hein, c'est ça aussi. Hein, bon. C'est elle qui invite en permanence. Hein. Et quand ils vont en vacances, ils invitent aussi. Ils invitent tous leurs amis. Hein. Et celui qui vient pas, il se fait un peu remonter les bretelles. En tout cas, il subit la pression pour venir aussi. Donc il se déplace, c'est la caravane hein, qui se déplace, quoi. On se déplace. Voilà. Alors là, il y a des passages merveilleux. Hein. Le snobisme de Madame Verdurin, alors là, est décrit par Proust avec des. C'est génial, c'est vraiment génial. Puis Odette, là-dedans, c'est la petite protégée, hein, la petite protégée des Verdurin, hein, les couvées, la petite chose, enfin la petite chose là. Elle est plus jeune, bien sûr, que Madame Verdurin, du coup. Bah, j'imagine nettement plus jeune, en fait, elle est peut-être pas si jeune que ça. Hein. Bon, voilà, Swann est là-dedans, c'est très drôle, tout ça. Lui, pendant ce temps-là, au début, il trouve Odette un peu quelconque. Bof. Elle est pas vraiment intelligente, elle est pas vraiment belle. C'est le truc qui tue. Mais elle a beaucoup de charme. Et lui, alors je sais, il en vient à la comparer à un tableau, à la femme d'un tableau, je crois que c'est ça. Hein, en tout cas, une œuvre d'art. Et tout à coup, il passe son temps, quand il la voit, elle, à voir ce tableau. Et ça donne une valeur immense, une grande beauté à cette femme. Et il l'aime. Et il l'aime vraiment. Alors, d'un amour vraiment, vraiment triste, dans le sens où, voilà, il l'aime avec tout ce que ça représente, la possessivité, la jalousie. Swann, là, il montre un visage. Ouh là là là là. Atroce. Mais elle aussi. Enfin, donc, vraiment, personne, tout le monde est nul, hein. Finalement, il y a un peu de ça. La seule chose qui est pas nulle, finalement, c'est quand même l'amour de Swann. Même si, très vite, il sera pas payé en retour, hein. Donc, ça est dur. Même un peu déprimant, j'avoue que ça m'a un peu touché, là. C'est là que. Ah, c'est pas Céline, hein, il vous détruit pas, mais quand même, hein, il touche un peu quand même. Là, il a touché un peu, c'est dur de voir Swann face à sa lucidité. Sur le fait que Odette ne l'aime plus. Elle l'a aimé, mais elle ne l'aime plus. Et ça, c'est vrai que c'est. Ouais. C'est pas seulement qu'il est devenu. S'est habitué à cet amour. Non, non, c'est. A priori, il n'y a plus d'amour. D'ailleurs, bon. D'ailleurs, bon, je vais le raconter tout de suite, parce que de toute façon, je ne vais pas partir dans des détails trop importants. Finalement, Swann, je ne sais plus pour quelle raison, si, il y a un nouveau dans le groupe des Verdurin, c'est Forcheville. Je crois que c'est Forcheville, je vérifie le nom. Toc, toc, toc. Forcheville. Qui est introduit dans le groupe, alors c'est le contraire de Swann. Il a un petit côté bourrin, alors Swann, c'est vraiment l'homme subtil. Et puis c'est la nouveauté après, voilà, hein, ça y est, c'est reparti quoi, c'est reparti. Donc Swann il est relégué au second plan. Et puis Forcheville, plus volontaire aussi, il a le côté un peu plus viril, parce que Swann franchement il n'a pas l'air très viril. Et donc, rien qu'avec un nom comme ça, d'une douceur pareille, on n'imagine pas quelqu'un de viril. Et donc, alors j'ai pas dit quand même, mais Swann est devenu l'amant d'Odette. Là encore, moi je l'ai presque pas vu venir, mais enfin bon, il est devenu l'amant d'Odette. On parle pas vraiment de sexe, hein, mais à un moment, bon, on dit qu'ils font Cattleya. Cattleya, le jour où il lui a enlevé une fleur qu'elle avait au corsage. Cattleya. Donc ils font 4 layers. Bref. Faut le lire là, je peux pas en dire plus. Mais Forcheville, donc, rival de Swann auprès d'Odette. Odette a des. Swann sent qu'il perd son pouvoir sur Odette. Tu parles. Il n'a jamais eu de pouvoir en fait. Par rapport à, donc, à ce Forcheville qui occupe la place. Et la jalousie commence. Au début, il pense qu'il est trompé. Il pense qu'il est trompé, qu'elle le trompe. Voilà. Bon. On n'a aucune certitude. Mais quand même, on le pense. Et puis, ça continue comme ça. Et puis, voilà, il y a une déliquescence de leur relation entre lui et Odette. Et ça, c'est intéressant, quoi. La description est vraiment fine et terrible parce que là, on est dans les sentiments, là. Hein. Dans les sentiments qui touchent, je dirais, parce que parfois c'est vrai qu'il faut rentrer là. Là, ça demande parfois un effort pour faire le pas vers Proust, pour voilà, le petit enfant à Combray, quand il imagine des choses, bon, il faut parfois faire un effort. Là, non, pas trop, hein. Swann, bon, on comprend bien ce qu'il vit. En même temps, il y a un côté pitoyable, Swann, qui fait qu'on a du mal à être complètement. On se dit à sa place, à sa place, à sa place. On n'arrête pas de se dire qu'on n'aurait pas fait ça. Donc finalement, bon. Ça prouve qu'on se détache un peu, mais ça prouve qu'on passe son temps à devoir se détacher. Donc qu'on n'est pas détaché. Suffisamment pour pas en souffrir du tout. Alors, pour finir, terrible. Il reçoit une lettre d'un de ses amis. Alors on se demande, hein, baron de Charlus, s'il y a un autre. Il n'y a que deux ou trois hommes qui auraient pu lui écrire cette lettre anonyme. Et il ne sait pas lequel a écrit ça. Ça lui fait beaucoup de mal parce que cette lettre dit que Odette a les pires fréquentations. Qu'elle voit des hommes, que se tape vraiment des mecs, quoi. Et pas un, pas deux, plus beaucoup, régulièrement. Et qu'elle le trompe avec un tel aussi. Elle dit, je crois que la lettre dit des noms aussi. Et puis, en plus, et puis après, le pire du pire, alors, qu'elle va dans des maisons. En gros, des maisons de passe, quoi. Qui travaille pour une maquerelle. Alors là, c'est vrai que c'est rude. Et puis aussi, pour couronner le tout, c'est vraiment pour couronner le tout, qu'elle a des relations avec des femmes. Alors là, bon, Proust, homosexuel. Voilà, l'homosexualité n'est jamais loin dans la recherche. Jamais. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est jamais loin, mais pour l'instant, toujours féminine aussi. Ça aussi, c'est marrant. C'est toujours mis à distance. Le narrateur, le jeune garçon, lui, il est amoureux de femmes. Swann, qui a des allures raffinées, aristo, sensibles, homosexuel, ça ne nous choquerait pas du tout. Et ben non, il n'est pas homosexuel, lui, il est hétérosexuel. Par contre, les femmes, ben, la fille de Vinteuil, Odette, voilà, elles ont des relations avec d'autres femmes. Alors là, je reviens d'une petite pause, oui, donc. Swann, qui reçoit cette lettre, qui lui annonce les pires choses sur Odette. Et je parlais de l'homosexualité, effectivement, qui était très très féminine dans le livre et pas masculine du tout. Et puis finalement, il tire les vers du nez à Odette et il apprend que tout est vrai en fait. Alors, enfin, il y a des scènes terribles, quoi, où il a force à avouer. Alors tout est vrai, on ne sait pas si tout est vrai, mais l'homosexualité féminine est vraie, la maquerelle c'est vrai, donc bon, on peut penser que les hommes aussi, même si je crois pas que ce soit aussi clairement dit. Parce que c'est pas ce qui forcément fait le plus mal à Swann, bon voilà. Pour la dernière partie, bah, je vais aller assez vite. Nom de pays, le nom. Alors ça, c'est assez fascinant. Il y a une réflexion sur, bah là ça fait assez lacanien, mais le signifiant et le signifié. Le nom de pays, c'est effectivement ce qui compte le plus pour Swann, ce qui compte dans ce qui permet d'évoquer, pour Swann, pour le narrateur. Parce que là, on revient au narrateur, qui est de retour à Paris, aux Champs-Élysées, chez ses parents, quoi, dans sa maison. Et donc, il devait partir en voyage. En Italie, à Balbec éventuellement, bon. Et puis finalement, ça se fait pas. Parce qu'il est malade à un moment. Ouais. Et en fait, il y a une réflexion sur tout ce que le nom évoque et tout ce que ça n'est pas finalement. Le signifiant, qui fait appel, qui réunit, qui phagocyte autour de lui, qui emporte beaucoup plus d'imaginaire que de réel. Et c'est cette réflexion sur l'imaginaire, le réel et le signifiant qui est le cœur du truc, là. Et puis après, il y a l'histoire qui avance un petit peu avec Gilberte, donc la fille de Swann, avec qui il joue sur les Champs-Élysées. Dans les jardins, en bas des Champs-Élysées, là, bon. Enfin, en bas, je crois, oui. Il joue avec elle et il est amoureux d'elle. Il est vraiment amoureux et elle, le méprise. Hein. Elle le méprise, mais enfin, bon, c'est un ami, mais bon, elle fait rien avec lui. Enfin, elle lui a offert deux agates, une fois, je crois. Et ça c'est fort hein, pour lui. Maintenant, c'est dans sa tête. Voilà, donc ça, c'est l'histoire d'amour qui naît et qui n'est pas finie. Hein. Qui n'est pas finie. Donc, avec Gilberte. Et puis, du coup, tout ce qui est Swann devient encore beaucoup plus fort. C'est bien après, mais je sais pas à quel âge il a. Je pense qu'il est ado, là. Mais jeune ado. Et tout ce qui est Swann est magnifié par l'amour qu'il a pour la fille. Donc le père est encore merveilleux. Il essaye de le faire dire son nom par ses parents. Enfin, tout ça. Bon, enfin, ça, c'est des folies proustiennes. Et la mère de Swann, la mère de Gilberte, la femme de Swann, parce qu'il s'est marié entre temps, parce qu'il n'était pas marié au moment du chapitre d'avant, exerce sur lui une grande fascination. Et c'est marrant parce qu'on ne sait pas qui c'est. Le chapitre d'avant s'était terminé sur à la fin Swann il en a marre de souffrir et il finit par regarder en face. Il est barré quoi, il est divisé Swann. Il est encore amoureux d'Odette, mais il est très lucide sur le fait qu'elle l'aime pas. Comme d'ailleurs dans le chapitre d'après, le narrateur vis-à-vis de Gilberte, il est amoureux d'elle et en même temps il sait qu'elle l'aime pas. Et pourtant il se berce d'illusions en pensant qu'il est aimé. Et finalement, ça se termine le chapitre sur le fait que Swann a conscience qu'il n'aime plus Odette. Alors je vais retrouver des mots exacts parce que c'est pas dit bien sûr aussi prosaïquement. Alors la dernière phrase ou les deux dernières phrases. Et avec cette, alors c'est Swann. Hein. Et avec cette muflerie intermittente qui reparaissait chez lui, chez Swann, dès qu'il n'était plus malheureux, et que baissait du même coup le niveau de sa moralité, il s'écria en lui-même. Donc là c'est un peu acide quand même hein, de la part du narrateur sur Swann. Hein. Niveau de moralité lié à son malheur. Il s'écria en lui-même: Dieu que j'ai gâché des belles années de ma vie. Que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Bon, voilà. On termine là-dessus. Donc voilà, c'est la fin. Bon. Et puis en fait, donc ensuite, on est à Paris. Et ben la femme de Swann, on apprend que c'est finalement Odette. Et c'est incroyable. Finalement, il l'a épousée. Une fois qu'il est sûr qu'il l'aimait plus, alors il a voulu la garder quand même. Bon. Alors ça, on aura peut-être plus de détails sur la transition, mais c'est assez amusant quand même. D'ailleurs que, il fait tout pour être auprès d'elle et tout, mais je crois que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était l'épouser. Parce qu'elle, c'est une femme entretenue, finalement. Donc il n'y avait que l'argent de Swann qui pouvait finalement la retenir. D'ailleurs, je crois que c'était mis dans la lettre qu'il avait reçue, que finalement, elle voulait simplement se faire épouser. Quoi. Et d'ailleurs, donc, il la révère complètement maintenant, cette femme-là, Odette de Crécy, qui est la cause de la brouille avec ses parents, d'ailleurs. Swann ne voit plus ses parents, il ne se voit plus, parce que cette femme a trop mauvaise réputation. Donc, les parents du narrateur ne voient plus Swann. Ils l'ont vu un tout petit peu, mais sans sa femme. Alors là, maintenant, a priori, ils ne se voient plus. Ils sont brouillés, comme on dit. Mais ce qui n'empêche pas le jeune, pas dire Marcel, mais le jeune, le narrateur d'être amoureux de Gilbert, de révérer Swann et sa femme. Sa femme qui croise au bois de Boulogne. Et c'est reparti. A priori, elle va dans les allées du bois de Boulogne pour le tromper. Avec d'autres femmes. Avec des hommes. Là, donc c'est rien à changer. Et ça excite beaucoup Swann. À un moment, il parle de la nature du bois de Boulogne, le désir et tout. Moi, j'étais en plein dans l'objet petit A de... la cause du désir, là, de Lacan. Et puis finalement, c'était beaucoup plus, encore une fois, prosaïque que ça. Le désir est lié au fait que, au bois de Boulogne, eh ben, il est témoin. Il est voyeur. Et il voit des choses. Il voit de belles femmes sous les arbres. Donc il y a de très belles pages pour dire tout ça, c'est magnifique. Mais alors, on dit rien, hein. Enfin, c'est deviner tout ça, c'est pas du tout. Voilà comment se termine la recherche. Voilà. Je voudrais, après, je parlerai du titre sur lequel j'ai un peu réfléchi, la recherche du temps perdu. J'ai essayé de voir la polysémie qu'il y avait là-dedans. Voilà. Bon, mais ça, c'est plus tard. Voilà, c'est tout pour le résumé lui-même. Je lirai peut-être aussi quelques citations, parce que pour donner une idée, quand même, ça mérite. Voilà, donc c'était le premier tome de La recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, de Proust. Je voudrais compléter le résumé que j'ai fait de La recherche du temps perdu, enfin du premier tome, du côté de chez Swann, par des petites choses. D'une part, une petite réflexion sur le titre. Alors, tout à coup, ça m'est venu parce que, effectivement, dans l'œuvre, il y a de quoi réfléchir sur le temps, le souvenir, l'impression. En réfléchissant un petit peu, on se rend très vite compte de l'aspect polysémique du titre. Alors, d'abord les mots, hein. Je suis parti des mots un par un, pas à ni la, du non plus, mais j'ai examiné recherche et temps perdu. Alors recherche et temps perdu. Tout d'abord, quel temps ? J'ai d'abord réfléchi sur le temps, enfin le temps perdu. Et je suis arrivé à peu près, je crois, je lis mes notes là, à 4 notions sur ce temps perdu. Alors ça peut simplement être le temps passé, bon, ça c'est le, je dirais presque le premier sens qui vient à peu près. Très vite arrive derrière une autre notion qui n'est pas forcément présente d'ailleurs dans le livre, hein. Je dis pas que c'est présent. Mais bon, il y a le temps gâché. Le temps perdu, c'est du temps perdu quand même. C'est pas du. C'est le. Dans le sens, effectivement, gâché. Le temps. Qui a été mal utilisé, mal employé. Peut-être quand même qu'il y a de ça, hein, dans le livre. Mais disons que ça transparaît pas très clairement. J'aurais un peu de mal à le prouver si je devais. Si je devais chercher. Ensuite, il y a le temps. Oublié. Alors, inconsciemment ou pas, mais en tout cas, forcément, hein, l'oubli, ce qui peut être conscient. Mais une réflexion, effectivement, le temps perdu, c'est le temps qu'on ne saisit plus mentalement, dont on a perdu. Le temps dont on a perdu le souvenir. Perdu pour le présent. Ce que je veux dire, c'est que c'est une extension du premier sens, hein, le temps passé. Mais le temps passé qui est perdu, parce qu'on l'a perdu vraiment. Alors là, ça va très bien d'ailleurs avec la notion de recherche du temps perdu. On veut retrouver quelque chose, donc c'est le temps qui a été oublié et qu'on recherche à nouveau. Donc c'est l'oubli. Alors j'ai trouvé un quatrième sens dont j'étais assez fier. Il faut bien. Hein. Mais il faut que je retrouve la notion. Oui, alors après une petite réflexion, oui, c'est donc la recherche d'un état. Alors le quatrième sens, hein, du temps perdu, c'est à la recherche d'un état où le temps serait perdu. Oui, à la recherche d'un état sans temps. Sans. Alors, s'entend. S-A-N-S, T-E-M-P-S. Donc, un état où on ne serait pas pris dans le fil du temps. Et, j'avais noté un état sans temps. Oui, au-delà ou en deçà du temps. Une sorte, alors, d'intemporalité. Voilà, c'est là. À la recherche du temps perdu, c'est à la recherche de l'intemporalité. Alors, qu'est-ce que l'intemporalité ? Qu'est-ce que c'est un état sans temps ? Comme c'est Proust, La question n'est pas idiote, parce que, évidemment, vu le génie du bonhomme, la grandeur, forcément, c'est pas une question complètement saugrenue. C'est sans doute, bien sûr, très tiré par les cheveux, hein, je reconnais, hein, ma recherche là, ma recherche de recherche sur la recherche, bon. Mais cela dit, c'est pas complètement idiot, sans doute, parce que, même si on fait sur le texte plus peut-être que, bon, qu'est-ce qu'a voulu faire l'auteur, mais. Un état sans temps, il y a quoi derrière possiblement? Donc l'intemporalité peut-être liée à une forme d'immortalité. Alors immortalité liée à l'œuvre, hein, je pense, parce qu'une fois, bon, faut que c'est Proust, on en a bien parlé. Enfin, il y a un côté, l'œuvre, l'autonomie de l'œuvre d'art, la réalité de l'œuvre au-delà de la volonté de l'auteur. Ça, c'est quelque chose de qui me paraît très très très intéressant, très assez propre à Proust, même si peut-être d'autres ont réfléchi sur cette notion. Je trouve que quand même c'est un point sur lequel il a exploré énormément, sur le plan littéraire, bien sûr, hein, c'est pas sur le plan philosophique, mais sur le plan littéraire, il a exploré cette notion. Or, qu'est-ce qu'une œuvre qui s'affranchit de son auteur? Eh ben, c'est un objet sans temps. Parce que l'auteur a un temps, mais l'œuvre n'a plus de temps. Enfin, l'œuvre est immortelle. L'œuvre est immortelle, donc on échappe au temps. Donc elle échappe au temps. Même si, bon, bien sûr, il y a plein de. Une réflexion pourrait bien sûr mener à saisir en quoi une œuvre d'art est prise dans le temps. Finalement, presque. Pas autant, mais un peu comme l'auteur, même si l'auteur, lui. Lui, un auteur est dans son temps, mais on peut même considérer qu'après sa mort, il est encore là. Enfin, je veux dire, il a une forme d'immortalité par ce qu'il a fait, mais justement par ce qu'il a fait, par ce qu'il a dit, par ce qu'il a produit. Et l'œuvre, c'est vraiment le véritable instrument de l'immortalité de l'auteur. Donc, à la recherche d'un temps perdu, dans ce sens-là. Et puis, alors après, il y a un autre sens, toujours sur, enfin, un sous-sens, hein, par rapport à cet état sans temps. C'est plus lié au fond de l'œuvre elle-même. Proust cherche dans le passé. Cherche quoi? Cherche ce qu'il est. Pas ce qu'il est, via ce qu'il a ressenti. Voilà, il cherche ce qu'il est via ce qu'il a ressenti, au travers de toutes son expérience. Il se trouve finalement, hein. Alors ça revient au premier sens, hein, bien sûr, l'œuvre, émanation de l'auteur, bon, mais qui acquiert, pour Proust, qui acquiert son autonomie. Mais au-delà de ça, même si on peut être d'accord, enfin intéressé par cette idée, on peut aussi se dire que l'œuvre, c'est le reflet de l'auteur. Si une œuvre parvient à dire quelque chose de l'auteur, on peut réfléchir au fait que ce qui est dit n'est plus dans le temps. Parce que c'est une vérité sur l'homme, une vérité intemporelle, une vérité qui dure au moins le temps de la vie de l'auteur. Donc, alors là, à défaut d'immortalité, en tout cas, le temps perdu, c'est le temps. Compressé, le temps transversalisé, c'est-à-dire que tout à coup, le passé, le présent, le futur d'un homme sont au même endroit. Alors là, c'est le passé, bien sûr, mais tout se rejoint. Se rejoint dans le sens de ça dit ce qui est l'auteur, et ça le dit. Pas du tout à la façon d'un auteur qui dirait, bon, alors à 5 ans, voilà, il m'est arrivé ça, je pensais ça, à 10 ans, et ainsi de suite, il fait toute sa vie comme ça. Là, effectivement, on serait pas dans ce qui est dit, bon, même si inconsciemment, là aussi, quelque chose se dit de l'auteur qui est intemporel. On peut voir les constances, la constance de l'auteur qui se dit, même si c'est au travers d'une exploration de l'enfance, de l'adolescence, etc. Alors on peut tout simplement dire que oui, bah, il a écrit ça, au moment où il l'a écrit, forcément il est à un certain état de son chemin, et mental, artistique, spirituel, et forcément c'est ça qui raconte, et c'est cet état-là qui compte, c'est pas l'état de l'enfance, de l'adolescence, etc. Peut-être, mais quand on se trouve profondément, on peut penser que ce qu'on a trouvé est valable toute la vie de l'individu. Ou du moins, je sais bien, l'homme et le cerveau est flexible, il change, etc., etc., etc. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont là, et bien là. Ne serait-ce que la particularité de chacun, qui ne sont pas forcément uniquement liées à l'acquis. Bon, bref, tout ça pour dire que, ouais, il y a cette forme d'intemporalité liée à ce que l'auteur a dit, qui n'appartient pas à un temps, vraiment. Voilà, je crois que j'avais une autre notion à dire, mais il m'échappe là. Donc, voilà, ce temps perdu, il est quand même très... Bon, enfin, là, je vois vraiment plein de sens possibles. C'est quand même... des sens, d'ailleurs, qui peuvent être contradictoires. Hein. C'est pas gênant. D'ailleurs, comme on ne cesse de me le répéter, effectivement, Proust fait appel à l'inconscient. Alors, je sais pas jusqu'où il connaît Freud, mais... il y a cette notion d'inconscient qui est fort. Bon, il est trop subtil pour que cette notion lui ait échappé, parce qu'elle était dans l'air du temps. Et donc, un inconscient, il a un autre rapport au temps, l'inconscient. Et c'est un temps perdu. Parce que l'inconscient n'a pas de temps. En tout cas, pas le temps du conscient. Pas le temps du moi. L'inconscient, il peut mettre en lien des événements très anciens, comme des événements présents, instantanément, sans chronologie réelle, sans hiérarchisation par le temps. Donc en cela, voilà, encore une façon de perdre la notion de temps. Et puis là, je parlais de polysémie contradictoire. Eh bien justement, l'inconscient, lui aussi, il est là-dedans. La contradiction est acceptée par l'inconscient, est mieux gérée, n'est pas un problème. Donc voilà, plein de réflexions là sur ce temps. Alors, le début du titre, la recherche. C'est quoi la recherche? Là aussi, j'ai vu quelques pistes. D'abord, plusieurs sens, hein, donc au mot recherche. D'abord, une recherche qu'on pourrait assimiler à celle d'un détective, tout simplement. C'est assez neutre, hein, là, je dirais. C'est presque scientifique. À la recherche du temps perdu, voilà, on y va. Alors, après, il faudrait accoupler ça à tous les sens que j'ai trouvés au départ. Hein. Une recherche scientifique du temps passé, ça, c'est sans doute le sens qui va le mieux avec. Hein. Le temps passé, oui, bon, voilà, on va fouiller dans les souvenirs. Hein. Bon, ça, c'est au pied de la lettre. C'est bien sûr le grand sens, hein, mais après on peut être un détective aussi vis-à-vis du temps gâché, hein, etc., le temps oublié. Donc là, ça a plus de sens aussi, le temps oublié, parce que justement, un détective, il y a un petit côté psychanalytique. Hein, si on cherche méthodiquement dans l'inconscient oublié, enfin dans le temps oublié, forcément... Ensuite, bon, derrière cette recherche un peu froide, on peut imaginer une recherche un peu comme la chasse au trésor. La recherche connotée affectivement à la recherche. C'est pas une recherche froide, c'est une recherche pleine de désir. Voilà, c'est un souhait, la recherche comme souhait. À la recherche, rechercher. Là, le but, c'est vraiment de se réimprégner. Il y a un désir, il y a se revautrer. J'aime dans le temps perdu. Et là, c'est pas voilà, on est plus du, là, on est, c'est le contraire. C'est vraiment pas froid du tout. Donc la recherche d'un trésor, finalement. Hein. En tout cas, la recherche, oui, d'un trésor, enfin, de quelque chose qui a de la valeur. Bon. troisième sens. Alors, j'ai écrit comme un retour dans le passé. Partir rechercher le temps. Ouais. Ah oui, donc il y a une petite nuance par rapport au premier sens, parce que la recherche, c'était une recherche qui était la première, là, un peu froide. C'était une recherche type détective, comme j'ai dit, mais qui peut être intemporelle. Un peu comme un chercheur qui fait de la recherche. Hein. On recherche quelque chose, on peut faire de la recherche en archéologie. Alors là, forcément, il se trouve que le sujet de la recherche, c'est le passé. C'était le sens un peu du détective. Mais là, c'est plutôt dans le sens aller rechercher dans le passé. Donc, c'est presque retourner dans le passé. Hein. Alors, tout ça rejoint le premier sens un peu, mais aussi le deuxième. Hein, le désir, une recherche pleine de désir, n'exclut pas ni une recherche atemporelle type scientifique, à la limite, même si là, elle n'est pas froide, ni la notion de temps. La notion de temps, aller rechercher. Ce sens-là d'aller chercher dans le passé, il est, je dirais, il est premier. Hein. C'est vrai que je disais que c'était la recherche du détective. Non, je crois pas. C'est quand même ce sens-là le plus prégnant parce que c'est aller, ça va avec le temps perdu, le temps du passé. Donc, et d'ailleurs, la recherche comme un trésor et celle du passé, ça va dans un sens, c'est que si on le recherche, on peut le trouver. On peut le retrouver. Et là, ça, il m'est venu tout à coup à l'esprit, ce que j'ai pas encore lu, mais je crois que c'est le dernier tome de la recherche du temps perdu, c'est le temps retrouvé. Donc ça, c'est quand même assez génial aussi, parce que finalement, bon, quand on lit les titres, c'est une évidence, hein, évidemment, voilà, c'est le tome 7, le temps retrouvé. Et c'est intéressant parce que le tome 6, c'est Albertine disparue. Et le tome 7, c'est Le temps retrouvé. Hein. Il y a une femme qui part et on retrouve le temps. C'est pas Albertine disparue, Albertine retrouvée. C'est pas Le temps disparu, le temps retrouvé. C'est Albertine disparue, le temps retrouvé. Bon, c'est juste pour jouer avec les mots. Hein. Mais voilà. Bon, donc, il y a cette idée d'écho. Hein. On annonce, ça c'est la première partie de l'écho, quoi, l'original. D'abord le temps perdu, puis après le temps retrouvé. En tout cas, s'il a été retrouvé, ça exclut un petit peu le sens de la recherche un peu froide du détective. Quoique, non. On peut retrouver un indice. Bon, le chercheur ne retrouve pas, il trouve. Bon, c'est la différence. Mais les détectives peuvent retrouver un indice, peu, bon. Et là, un autre sens qui est assez proche de la recherche comme désir. Proche parce que cette recherche. Alors, c'est le dernier sens, hein. Parce que cette recherche serait intemporelle. Là, ce sens-là fait écho au dernier sens du temps perdu. Un peu. Parce que le temps perdu dont je parlais, le dernier temps perdu, c'était un temps perdu à la recherche d'un état sans temps. Bon. Et bien cette recherche-là, elle peut être considérée comme un objectif de transformation personnelle. Alors c'est là, je souhaite, il y a encore du désir, mais cette fois du désir tourné vers une transformation personnelle. Où on atteindrait un état sans temps. Donc la recherche d'un autre que soi. En tout cas que le soi maintenant. Voilà. Donc c'était aussi un dernier sens là-dessus. Voilà, je crois que j'ai fait autant que je pouvais sur la réflexion sur le titre. Hein, bon. Peut-être que si j'y passais 1 heure, j'arriverais à en tirer autre chose, mais. Après, j'aurais des scrupules à faire dire encore plus de choses à ce titre. Je trouve que j'ai déjà un peu pressé. Voilà, j'aurais vraiment des scrupules à aller plus loin. Alors, j'ai noté beaucoup, beaucoup de passages dans ce livre. Alors, je ne peux pas tous les lire, il y en a trop. J'ai quand même envie d'en lire quelques-uns, juste pour si je réécoute ça, pour m'imprégner, quoi. Pour me souvenir de la beauté du texte. Alors, il faut que je retrouve quelques pages. Alors, la toute première, tout premier passage que j'ai noté, et seulement la page 13, donc c'est dire, il est une grande subtilité. Je ne vais pas le commenter beaucoup, je crois, mais il est intéressant. Mais il suffisait que, dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendit entièrement mon esprit. Alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormi, et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence, comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes. Mais alors le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux où j'avais habité et où j'aurais pu être, venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant où je n'aurais pu sortir tout seul. Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation, et l'image confusément entrevue de lampes à pétrole, puis de chemises à col rabattues, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Ce que je trouve merveilleux, c'est l'idée de... Déjà, bon, sur le plan littéraire pur, hein, c'est pas la peine de le lire, c'est magnifique. Mais en plus, sur le fond, c'est ça qui est Proust, hein, c'est que si on croit que c'est que de la forme, je pense que vraiment on se trompe, c'est de la subtilité absolue. J'ai l'impression qu'il est capable, enfin, on a envie de faire des recherches suite à une phrase comme ça. Moi, je me demande, c'est vrai que parfois on est perdu au réveil, mais... De là à déceler l'animal qui est en nous, un animal vide de souvenirs, etc. Même si c'est une fraction de seconde, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a du vrai? Est-ce que ça nous fait de nous des animaux d'ailleurs? Est-ce que l'animal, bon, c'est pas certain, mais bon, c'est très intéressant. On peut quand même penser effectivement qu'il y a quelque chose de plus primaire, en tout cas à ce moment-là. De là, puis alors la fin, moi, m'intéresse beaucoup. Il y a très vite une recomposition peu à peu des traits originaux de mon moi. Alors, les souvenirs font le moi. C'est intéressant, ça. Je me souviens de qui je veux être. Hein, si j'extrapole. Je me souviens de ce que j'ai vécu. Ça, c'est des souvenirs. De ce que je suis. Oui, ou de ce que je veux être. Alors, c'est encore... Voilà, il y a des niveaux différents. Bref, donc je trouve ça superbe. Et là, j'avais noté trois lignes après. Peut-être l'immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres par l'immobilité de notre pensée en face d'elles. Alors là, enfin moi je trouve que c'est une phrase compliquée. Je crois que j'ai dû la lire plusieurs fois. Là, comme je l'avais déjà lu. Je la comprends à peu près, mais peut-être l'immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres, par l'immobilité de notre pensée en face d'elles. Alors ça me fait penser au bouddhisme. Enfin, l'impression... dans le bouddhisme, on insiste sur l'évolution permanente, le changement permanent des choses. Rien n'est statique. Et c'est justement l'esprit qui crée le statique, qui crée l'impression de statique. Parce que l'esprit, il est dans sa continuité, il est engendré par l'esprit d'avant, etc. Et là, il décrit ça en une phrase, mais c'est surréaliste de profondeur. Finalement, peut-être que tout change à chaque instant, mais on est tellement sûr, à cause de notre esprit, de notre pensée immobile en face d'un objet, que l'objet est immobile. Donc c'est l'esprit qui fait... Alors, donc il y a une... bon, c'est aussi de la phénoménologie, c'est de l'inaction, je sais pas, il y a peut-être une réflexion qu'on peut avoir à partir de là. Je suis trop léger sur les sujets pour y aller, mais C'est vraiment qu'est-ce que l'expérience? Et en quoi l'individu forge son expérience? Et du point de vue littéraire, du point de vue plus proustien, si j'ose m'avancer là-dessus, on peut réfléchir sur sur une fois de plus, et ça c'est le grand dada de Proust, dans tout le premier tome là, c'est l'esprit qui fait le réel, ou du moins qui le connote, et qui en donne la saveur, qui en donne sa valeur. Ça c'est une certitude. Mais après, là, il va beaucoup plus loin. Il dit que c'est pas seulement la valeur du réel qui est donnée par l'esprit, c'est le réel qui est forgé par l'esprit. Et ça, il y a l'expérience, il y a eu des cours là-dessus. Ce que l'esprit ne peut concevoir, le corps et l'esprit derrière ne peuvent parfois le voir, l'entendre, le recevoir. Donc, il y a bien du vrai dans ce que dit Proust. Mais en une phrase, il y a une intuition qui sera exploitée, sur laquelle il y a des recherches maintenant. Enfin, c'est quand même, c'est assez merveilleux. Bref, j'ai été vraiment très bien choisi cet exemple pour dire toute l'admiration que j'ai du livre. Alors, un autre passage quand même, parce que, alors je démarre au milieu d'une phrase. Bon, tant pis, je la lis, je ne sais pas encore. Où ma pensée, s'efforçant pendant des heures de se disloquer, de s'étirer en hauteur pour prendre exactement la forme de la chambre et arriver à remplir jusqu'en haut son gigantesque entonnoir, avait souffert bien de dures nuits, tandis que j'étais étendu sur mon lit, les yeux levés, l'oreille anxieuse, la narine rétive, le cœur battant, jusqu'à ce que l'habitude eût changé la couleur des rideaux, fait taire la pendule, enseigner la pitié à la glace oblique et cruelle, dissimulée, sinon chassée complètement, l'odeur du vétiver et notablement diminuer la hauteur apparente du plafond. L'habitude, aménageuse habile mais bien lente, et qui commence par laisser souffrir notre esprit pendant des semaines dans une installation provisoire, mais que malgré tout il est bien heureux de trouver, car sans l'habitude, et réduit à ses seuls moyens, il serait impuissant à nous rendre un logis habitable. L'habitude, aménageuse, habile, mais bien lente, et qui commence par laisser souffrir notre esprit pendant des semaines dans une installation provisoire, mais que malgré tout, il est bien heureux de trouver, car sans l'habitude, et réduit à ses seuls moyens, l'esprit, il serait impuissant à nous rendre un logis habitable. Alors là, je trouve ça merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est un de mes traits de personnalité. Dans un nouveau logement, dans lequel je sais que je vais devoir vivre, pas un hôtel, ou quasiment pas, dans lequel je vais devoir vivre, je ressens un malaise immense, qui dure peu, qui peut durer 2-3 jours grand maximum. Peut-être 24 heures, parfois vraiment difficile, mais un grand, grand, grand, grand, grand malaise, une forme de déprime très, très provisoire, mais très présente. Et je trouve, et ça, je n'ai jamais vraiment entendu dire ou à peine évoqué. Et là, qu'est-ce que je vois là dans un livre exprimé si bien le... Alors, il détaille pas ce point, je reconnais, mais enfin, il en parle quand même, là, clairement. Il dit que sans l'habitude, on pourrait pas trouver un lieu habitable. C'est quand même... c'est merveilleux. Alors, alors, encore une fois, c'est facile quand on change de lieu tous les deux jours. Moi, ça me pose pas de problème, là. C'est vraiment quand on sait qu'on va devoir être quelque part. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est pas si simple, c'est pas juste parce que t'es là, tu supportes pas parce que c'est nouveau. Non, non, non, puisque passe pas tout le temps. Encore une petite référence au bouddhisme. Dans certaines écoles du Zen au Japon, et à certaines époques, peut-être pas aujourd'hui, les moines ne devaient pas dormir, il était dans leur principe, de ne pas dormir deux fois de suite au même endroit. Pour pas créer l'attachement, pour pas rechercher le confort, etc. Pour aussi s'obliger à avoir des yeux neufs, peut-être sur l'environnement en permanence. Enfin, il y a plein de raisons, hein, j'imagine. L'attachement, on imagine, c'est la première. Enfin, lutter contre. Mais alors, on peut, enfin, si j'étais dans cette situation, je le vivrais pas forcément mal au regard de ce que je viens de dire. Hein. Je crois pas que, bon, bien sûr, ce serait pas facile, évidemment, hein, de à chaque fois changer. Bon, mais je le vivrais pas ce malaise que je ressens quand je m'installe quelque part. Je ne crois pas. Alors, est-ce que ça ferait disparaître ce malaise que je ressentirais si je m'installais quelque part? Ou est-ce que on se contente de ne pas le générer, ce malaise? Ça, c'est une vraie question. Peut-être qu'à la longue, un travail sur soi, bon, on finit par justement s'en libérer, se libérer d'un malaise tel que je ressens. Bon, je n'en sais rien. Voilà, mais... Est-ce qu'on le masque ou est-ce que, enfin, on l'occulte par en se mettant pas en situation ou est-ce que... Voilà, c'est tout. C'était un deuxième passage. Allez, encore un. Bon, enfin, j'en suis qu'à la page 17-18 sur 400 pages, donc je vais pas. Bien sûr, je vais pas. Alors, oui, je crois que c'est des projections. Sa lampe de chevet, une fois qu'elle est allumée, il y a une espèce de petite. Comment dirais-je? L'abat-jour est fait de matière translucide, du verre peut-être, et puis il y a des formes, il y a des couleurs, ça représente des personnages. Et du coup, il y a une projection sur les murs. Je crois que c'est ça dont il parle là. Certes, je leur trouvais du charme à ces brillantes projections qui semblaient émaner d'un passé mérovingien et promener autour de moi des reflets d'histoire si anciens. Mais je ne peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion du mystère et de la beauté dans une chambre que j'avais fini par remplir de mon moi. Au point de ne pas faire plus attention à elle qu'à lui-même. Toujours l'habitude hein, dont on parlait. Parce que là, il brode sur un thème, quoi, hein, c'est fou. Dans plusieurs pages, on reste toujours dans sa chambre, c'est un peu bizarre, tout ça. L'influence anesthésiante de l'habitude ayant cessé, je me mettais à penser, à sentir, chose si triste. Bah, tant pis, je fais une parenthèse. Incroyable de dire, je me mettais à penser, à sentir, chose si triste. C'est terrible de se mettre à penser, à sentir, parce que on se remet à souffrir. L'habitude est anesthésiante. L'habitude est anesthésiante. Enfin, il ne le dit même pas comme ça, il dit, l'influence anesthésiante de l'habitude. Ouais, non, mais c'est bon, bref. Grande sensibilité, on imagine l'enfant, pour que ce soit un adulte, hein. Pour que cet adulte-là, il soit devenu, il fallait forcément un enfant d'une sensibilité extraordinaire. Ce bouton de la porte de ma chambre, qui différait pour moi de tous les autres boutons de porte du monde, en ceci qu'il semblait ouvrir tout seul, sans que j'eusse besoin de le tourner, tant le maniement m'en était devenu inconscient, le voilà qui servait maintenant de corps astral à Golo. Ça doit être le personnage qui est reflété par la lampe, qui est projeté par la lampe. Et dès qu'on sonnait le dîner, j'avais hâte de courir à la salle à manger, où la grosse lampe de la suspension, ignorante de Golo et de Barbe Bleue, et qui connaissait mes parents, et le bœuf à la casserole, donnait sa lumière de tous les soirs. Et de tomber dans les bras de maman, que les malheurs de Geneviève de Brabant me rendaient plus cher, tandis que les crimes de Golo me faisaient examiner ma propre conscience avec plus de scrupules. C'est incroyable ce qu'il arrive à dire. En si peu de... On lui reproche souvent, enfin on peut lui reprocher des phrases sans fin, c'est vrai. Mais en même temps, la densité de la référence, la profondeur de l'analyse, la profondeur du dit, dans une phrase comme ça, c'est tellement phénoménal que on peut pas imaginer plus grande richesse dans une seule phrase. Arriver à dire, à parler de sa mère, de sa morale, de la conscience, de la peur, tout en mêlant ça au ressenti d'un bouton de porte qui... Non mais c'est... Phénoménal. Alors, bon, tant pis, je continue parce que c'est vrai que c'est sympa. Enfin, moi, voilà, je trouve ça sympa. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes. Tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Du moment que nous déchirons fiévreusement chaque matin la bande du journal, alors on devrait changer les choses et mettre dans le journal, moi je ne sais pas, les pensées de Pascal. Alors je crois que c'est Swann qui parle. Oui, c'est ça, c'est Swann. Je vérifie. Voilà, les pensées de Pascal. Pensée est en italique. Il détacha ce mot d'un ton d'emphase ironique pour ne pas avoir l'air pédant. Et c'est dans le volume doré sur tranche que nous n'ouvrons qu'une fois tous les 10 ans. Et c'est dans le volume... Attendez. Et c'est dans le volume doré sur tranche que nous n'ouvrons qu'une fois tous les 10 ans. Ajouta-t-il en témoignant pour les choses mondaines ce dédain qu'affectent certains hommes du monde, que nous lirions que la reine de Grèce est allée à Cannes ou que la princesse de Léon a donné un bal costumé. Comme cela, la juste proportion serait rétablie. C'est merveilleux quand même de dire ça. Enfin, c'est merveilleux. C'est un peu pour ça que je me suis arrêté de lire beaucoup de magazines, parce que même s'ils sont intéressants, on a l'impression de tourner en rond dans le... Bon. Dans la médiocrité, même quand c'est utile, mais c'est utile, voilà. Alors que là, c'est des comme il a dit, des choses, c'est pas des choses essentielles, voilà. C'est des choses qui seront périmées après-demain. Mais regrettant de s'être laissé aller à parler même légèrement de choses sérieuses, de point ouvrez les guillemets, nous avons une bien belle conversation, dit-il ironiquement. Je ne sais pas pourquoi nous abordons ces sommets. Et se tournant vers mon grand-père. Donc, Saint-Simon raconte que Maulévrier avait eu l'audace de tendre la main à ses fils. Vous savez, c'est ce Maulévrier dont il dit « Jamais je ne vis dans cette épaisse bouteille que de l'humeur, de la grossièreté et des sottises. » Et caetera, et caetera, et caetera. Ça, c'est quand même un passage merveilleux. Parce que, après, là, il parle de quelque chose dont je crois que j'ai parlé dans le résumé avant. Mais il s'excuse, Swann, de dire quelque chose. Hein. Voilà, il dit, il s'excuse de parler de choses si sérieuses, même légèrement. Du coup, il rajoute encore un peu plus de légèreté. C'est pas tout à fait de l'hypocorrection linguistique, mais c'est de l'hypocorrection intellectuelle, ça c'est sûr. Nous avons une bien belle conversation, dit-il ironiquement. Je ne sais pas pourquoi nous abordons ces sommes, mais... Et ça, c'est... Bon... Enfin ça, moi je me vois faire ça. Je me vois faire ça quand je, parfois je veux genre une bonne grosse blague après avoir dit des choses que je sérieuses pour moi, sérieuses pour moi. Je dis pas sérieuses dans l'absolu, mais qui pour moi où je m'étais engagé. J'avais engagé mon être, ma pensée, mon opinion. Et je dis une grosse connerie juste après parce que on a pour désamorcer la réaction des autres quoi. C'est quand même un peu triste. Mais bon, c'est... en même temps, c'est aussi de la courtoisie de ne pas gêner les autres en... en faisant comme si ce qu'on avait dit, c'était un peu couillon. Allez, encore un dernier, et puis après je vais arrêter. Page 49 déjà, hein. Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel. La sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas. Voilà, là on est vraiment dans la phénoménologie. Il dit, il n'y a pas le souvenir, il y a le rapport à la sensation de l'instant, le souvenir d'une sensation. Bon, déjà, c'est... là en fait il annonce la Madeleine, je ne sais même pas si je vais le lire, bon allez. Elle envoya chercher un de ses gâteaux courts et dodus appelé Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause.

Puis une deuxième fois, je fais le vide devant lui, je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée, et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Ouais, bah décidément, c'est quand, là vraiment c'est sublime. Je relis, je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. La rumeur des distances traversées. Bah là, c'est très psychanalytique. Hein. C'est vraiment l'auto-analyse là qui fait. Hein. Alors, j'éprouve la résistance, ça c'est typique. Et la rumeur des distances traversées. Mais oui, il y a un ancrage. Quand il tire l'ancre, il tire des algues avec. C'est superbe. C'est vraiment superbe et tellement fin, profond. Pff, c'est écœurant que certains puissent faire ça. Et tout. Et puis voilà. Et puis les autres sont perdus dans la médiocrité. Aïe, aïe, aïe. Un autre petit passage bien plus loin, je l'avais souligné, alors j'imagine que c'est important. Ah, la phrase de Vinteuil. C'est ce que Vinteuil avait fait pour la petite phrase. Swann sentait que le compositeur s'était contenté, avec ses instruments de musique, de la dévoiler, de la rendre visible, d'en suivre et d'en respecter le dessin d'une main si tendre, si prudente, si délicate et si sûre, que le son s'altérait à tout moment, s'estompant pour indiquer une ombre. Revivifié quand il lui fallait suivre à la piste un plus hardi contour. Et une preuve que Swann ne se trompait pas quand il croyait à l'existence réelle de cette phrase, musicale, hein, là je répète, c'est que tout amateur un peu fin se fut tout de suite aperçu de l'imposture si Vinteuil, ayant eu moins de puissance pour en voir et en rendre les formes, avait cherché à dissimuler, en ajoutant çà et là des traits de son cru, les lacunes de sa vision ou les défaillances de sa main. Voilà, moi ça m'a complètement enchanté. Je ne peux pas dire à quel point je trouve ça incroyable de renverser comme ça la création. C'est phénoménal. Alors j'avais noté que la musique avait sa propre autonomie. Et elle n'est que dévoilée par Vinteuil. Donc c'est l'autonomie de l'œuvre d'art face à l'artiste. Voire contre Sainte-Beuve, qu'il faudrait que je lise. Voilà, mais c'est quand même merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Bon, je vais arrêter là, parce que je pourrais y passer à peu près quelques jours, peut-être deux, trois jours, si je sais ça, temps complet. Bon, voilà, les citations de Proust. Bon, donc j'en arrête pour le premier tome de La recherche du temps perdu. Ou plutôt le premier tome de À la recherche du temps perdu. Ou le premier tome d'À la recherche du temps perdu. Respectons le titre. Qui est donc du côté de chez Swann. Voilà. Rendez-vous au prochain.